Stress, c'est le mot de notre époque. Nul besoin de vous en donner la définition. Les gens disent qu'il est causé par nos grandes villes, par les rues congestionnées, par les transports publics bondés. D'autres disent que c'est à cause de la pression du travail dans notre ère d'ordinateur, où il faut toujours aller plus vite, produire davantage, en moins de temps. On vous donne du travail aujourd'hui, et il aurait dû être prêt la veille. La nervosité s'empare des uns et des autres. On klaxonne à peine le feu a-t-il changé du rouge au vert. On vous fait des appels de phare si vous ne vous mettez pas tout de suite sur votre droite pour laisser passer la voiture puissante qui vient derrière vous. Même si vous n'allez pas en voiture, vous n'êtes pas épargné des bousculades dans les gares ou dans les bouches de métro, dans les magasins ou dans les queues devant les caisses dans les supermarchés. Vous dites à la campagne, cela doit être bien différent. Je connais un paysan, il ne faut en tous les cas pas l'interrompre. Il est stressé au milieu de ses vaches, sur son tracteur, quand il s'occupe de son fourrage ou de son lait. Notre récit de Luc, chapitre 10, nous parle de deux sœurs. L'une paraît stressée, alors que l'autre se trouve dans le calme le plus parfait. C'est dans la maison de Marthe, Marie et Lazare que cela se passe. Tout porte à croire que Marthe soit la maîtresse de maison. Sa demeure vient de se remplir de monde. Jésus est arrivé, accompagné de ses disciples. Il est donc probable que 13 personnes au moins ont envahi les lieux. Aussi, il y a de quoi être stressé. Il faut préparer un repas ou au moins une collation. Pas de congélateur, pas de plat cuisiné tout prêt. J'aimerais vous voir, madame, avec 13 personnes dans votre maison ou votre appartement. Aussi la pauvre Marthe s'agite-t-elle d'un coin à l'autre. J'imagine que le plus stressant, c'est de voir sa sœur Marie, qui s'est calmement assise aux pieds du Seigneur et d'un air contemplatif écoute ses paroles. Vraiment, c'est trop. Toutes les bousculades de Marthe ne peuvent tirer Marie de sa tranquillité. Alors à bout de nerfs, Marthe s'adresse au Seigneur. « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » J'espère, chers auditeurs, que vous sentez l'atmosphère de ce foyer, que vous pouvez vous représenter ces deux sœurs. Le Seigneur répond à la demande de Marthe différemment de ce qu'elle attendait. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Quelle parole à propos pour nous, les uns et les autres. Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Votre travail, votre promotion, votre commerce, vos études ou celles de vos enfants. Si vous êtes jeune, le perfectionnement professionnel. Si vous ne l'êtes plus, la question de votre retraite. Que d'inquiétude, que d'agitation. Les bas salariés s'inquiètent pour savoir comment nouer les deux bouts, alors que les plus fortunés s'inquiètent de l'évolution de leurs actions. D'ailleurs, pas toujours très rassurant, le marché de la bourse. Un jour, je voyageais en train, en face d'une belle jeune fille. Je lisais un quotidien quand tout à coup la jeune fille me demande « Qu'en est-il de New York ?»« New York, eh bien, je suis perplexe. Et croyant me tirer d'affaire, je lui propose la page sportive. « Oh non !» me répond la jeune fille. « C'est la bourse de New York qui m'intéresse. » Pauvre de moi qui était à côté du point. Marthe aussi a dû être interloquée en entendant le Seigneur lui dire « Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » C'est avec ces mots que ce court récit se termine. Est-ce que cela veut dire que tout ce qui importe est une vie contemplative? Quant au travail, que ceux qui en ont envie le fassent? Pas du tout. D'ailleurs, Marie avait probablement aidé sa sœur, mais jugeant l'essentiel accompli, elle s'était assise aux pieds du Seigneur. Ce que le texte nous enseigne, c'est qu'il y a des priorités, qu'il y a des échelles de valeur, qu'il y a des opportunités qu'il faut saisir. Le Seigneur enseignait dans la maison de Marthe. Ce n'était pas tous les jours que cela arrivait. Ainsi, Marie, le travail important terminé, préférait-elle écouter la parole de vie au lieu de s'occuper des travaux domestiques qui pouvaient attendre. Marthe, au contraire, mettait la priorité aux soins domestiques. Si le Seigneur a commencé son enseignement à ce moment précis, c'est qu'il le jugeait plus important que le reste. La priorité du moment était d'écouter la parole. Une seule chose était nécessaire, une chose était prioritaire, les autres devaient être placés au deuxième rang. Oh, si vous, chers auditeurs, pouviez comprendre cette priorité, cette seule chose qui est de valeur absolue, cette seule chose qui ne vous sera pas ôtée. N'est-il pas triste de constater que souvent les choses éternelles et absolues sont reléguées à l'arrière-plan ? On s'agite, on s'inquiète, on pense à tout, on prend des dispositions même pour ses héritiers, si héritage il y a. On donne des ordres pour son enterrement, mais on ne prend pas le temps pour écouter les paroles de la vie éternelle. Écoutez l'apôtre Pierre répondre au Seigneur quand celui-ci a mis devant ses disciples l'option de le quitter. « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Où sont vos priorités? Prenez le temps d'écouter les paroles de la vie éternelle. Satan, l'ennemi de votre âme, vous fera toujours croire que plus tard vous aurez davantage de temps pour écouter la parole de Dieu. Peut-être jusqu'à présent ne l'avez-vous pas trouvée? Arrêtez-vous donc! Oui! Une seule chose est vraiment nécessaire. L'avez-vous saisi? Il y a encore deux autres récits bibliques où nous trouvons les deux sœurs. D'abord à la mort et à la résurrection de leur frère Lazare, puis au souper à Béthanie, où Marie oignit les pieds de Jésus. Dans le premier récit, nous avons la joie de voir cette Marthe affairée aller à la rencontre de Jésus. C'est elle qui l'entend dire « Ton frère ressuscitera ». Et quand Marthe parle de la résurrection du dernier jour, le Seigneur lui dit ses paroles de vie. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ensemble, les deux sœurs expérimentent maintenant ce qu'il en est d'avoir choisi la bonne part. Le Seigneur se manifeste à elle comme celui qui est la vie. Quel choix avez-vous fait, chers auditeurs? Est-ce la bonne part qui ne vous sera pas ôtée? Ou tous vos efforts, votre agitation, vos préoccupations se portent-ils vers cette vie terrestre qui peut prendre fin d'un moment à l'autre? Certes, le Seigneur veut aussi intervenir dans notre vie de tous les jours. Mais la bonne part, c'est celle qui demeure éternellement. Prenez au sérieux cette parole de Dieu. « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Vous aurez certainement compris que lorsque le Seigneur dit qu'une seule chose est nécessaire, il se réfère à sa propre personne, celle que Marie écoutait assidûment. À vous aussi, il vous faut cette personne, Jésus-Christ lui-même. Je pense à ce garçon américain dont j'ai entendu parler. Il avait fait son choix pour Jésus-Christ et il a eu une vie entièrement changée. Son père en était fort incommodé car il considérait cela comme du fanatisme. Il a essayé de dissuader son fils, mais en vain. Un jour, le père a conduit son fils devant la maison et lui a montré une belle voiture. « Mon fils, cette voiture est à toi, si tu laisses ces histoires de Jésus. » Le fils a regardé son père et lui a dit d'un ton décidé « Je préfère Jésus. »